quand les Chinois occuperont la Suisse. Pourquoi que les Chinois vont occuper la Suisse? Parce que c'est que les Chinois, ils ont des tranches, des têtes à... Ils ont des têtes à avoir inventé la poudre. Et quand ils vont envahir l'Europe, ils iront où? Non pas dans le centre du Massif central, ni dans le sud de l'Italie. Hop, ils iront en Suisse. Parce qu'ils savent que tout le monde va planquer son or en Suisse. Là-bas, c'est bourré. Ou à Bâle, à Genève, à Lausanne, à Zurich, là, c'est, ça regorge d'or. Je voudrais planquer un peu d'or. Non, non, ça va, on en a assez. Vous allez à l'hôtel, vous voulez vous débarbouiller un peu, vous ouvrez un robinet, c'est de l'or qui coule. C'est les Suisses. Et il y aura une chose extraordinaire, c'est que, j'ouvre une parenthèse, il y en a qui vont être contents. Tout s'équilibre dans la vie, comme je répète ce que je vous disais tout à l'heure. Ce seront les Jurassiens. Cette partie du Jura suisse, francophone, qui est obligée de parler l'allemand. Parce qu'ils sont sous le gouvernement de Berne, qui eux... Ja! Sprechen die Deutsch? Nein! Weg! Alors, ils seront obligés... Alors, eux, en Lousdé, là-bas, dans le Jura, allez en Suisse, là-bas, du côté... Pas du côté alémanique, du côté francophone. C'est, il n'a pas de, tous les gosses. Ils apprennent le chinois, ils sont là. Ça veut dire, le chinois est plus facile à apprendre que l'allemand. Et quand les Chinois occuperont la Suisse, ce seront les Suisses jurassiens qui gouverneront et qui obligeront après les Bernois à leur dire, allez, schnell, quick, Et fin de compte, pour conclure, nous on rigole, mais fin de compte, ce seront les Suisses qui rigoleront beaucoup plus que nous, parce qu'ils diront aux Chinois, vous voulez prendre l'or qui est en Suisse, prenez-le. Nous, on s'en fout. Il n'est pas à nous.